Alors Benoît, où en es-tu avec Louise? Tu tiens toujours à elle? Je ne sais pas. Oui, je tiens à elle, il me semble. En tout cas, je pense souvent à elle. Et elle, elle s'intéresse à toi? Aucune idée. Elle est aussi réservée que moi, alors. Et tu lui as dit que tu t'intéressais à elle? Tu plaisantes? Bien sûr que non. Et pourquoi bien sûr que non? Tu as peur d'elle? Non, je n'ai pas peur d'elle. J'ai simplement peur qu'elle se moque de moi. Tu es vraiment idiot, tu es amoureux d'elle, c'est tout! C'est toi qui le dis. Mais non, tu es fou d'elle, moi je le vois bien! Mais t'es encore plus timide qu'elle! Oh, vous deux, vous êtes extraordinaires!